prions. Père, nous te remercions pour ces moments. Merci pour la grâce que tu nous fais, Seigneur, tous les jours de notre vie. Merci pour nos mères. Merci pour les femmes qui représentent des mères pour nous, qui sont des femmes pour nous, qui sont des mères pour nous. Merci, Seigneur, pour leur vie, leur sacrifice. Seigneur, bénis-les, fortifie-les, encourage-les. Seigneur, c'est toi qui bénis, c'est toi qui pourvois leurs besoins, Seigneur. Fais de nous des enfants dont elles pourront être fières. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Wow. La fête des mères. Je sais que chez vous, ça serait dans 2 semaines, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Faut toujours fêter sa maman. Amen. Et ce matin, lorsque je suis arrivée pour le premier culte de la cathédrale, j'ai vraiment constaté que cette église, nous sommes bénis. Amen. Pas seulement avec le Père que Dieu nous a donné dans le ministère, mais la femme qui marche à ses côtés. C'est vraiment une bénédiction, une inspiration. Beaucoup d'entre nous ne la connaissent pas, mais c'est une femme remplie de sagesse, une femme remplie de la grâce de Dieu, une femme qui connaît le Seigneur pour elle-même. Elle ne dépend pas de son statut de First Lady ou Première Dame, mais c'est une chrétienne avant tout. Alléluia. Et c'est un exemple pour nous tous. Et je bénis vraiment le Seigneur de l'avoir mis à côté de notre père, Bishop Doug Hayward Mills. J'ai beaucoup appris à ses côtés. On a le même âge, mais pour moi, je ne vois pas ça du tout. C'est une femme qui a de l'expérience que je ne peux même pas imaginer. Alléluia. Quand elle ouvre la bouche pour conseiller, on dirait que c'est une femme de 90 ans. Alléluia. Elle a une réponse pour tout. Elle a toujours une session question-réponse. Et je ne sais pas, moi, j'aurais peur de la question. Même les petits conseils, les petits cours que je donne derrière là-bas, quand je demande, est-ce qu'il y a une question, je commence à trembler à cause des gens comme Rowan et tous. Rowan, Nadia, les autres qui posent des questions. Mais elle, à chaque fois, elle dit question-réponse, elle prend la question, elle répond, comme si elle a répété ça avant. Vraiment, si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne peux pas faire une chose pareille. Alléluia. Et aujourd'hui, ce matin, quand elle parlait, elle a dit, souvent les gens ne voient que l'apparence. On dit, on pense que pour être la première dame, il suffit de bien s'habiller, venir, quelqu'un porte ta valise, quelqu'un porte ta Bible, et puis tu entres, et puis tu vas t'asseoir. C'est pas, être la femme d'un pasteur n'est pas ça. Amen. Être la femme de quelqu'un n'est pas ça. Tout ce que vous voyez, c'est le samedi du mariage. Mais le reste, vous ne voyez pas. Et si vous êtes là en train d'admirer le mari de quelqu'un, vous ne savez pas ce que sa femme a fait pour que lui, il soit là où il est. Amen. Donc, je veux, quand vous voyez la première dame, de l'honorer, de la saluer. Quand vous êtes chez vous, priez pour elle. Alléluia. Parce que ce qu'elle vit n'est pas vraiment simple ni facile. Amen. Alléluia. Donc je comptais à dire ça. Je tenais à dire ça. Amen. Pourquoi? Parce que je vais partager ce qu'elle a partagé ce matin. Alléluia. J'étais vraiment touchée par le message et j'ai prié le Seigneur que je pourrais aussi, en tout cas, partager ça avec vous. Amen. Donc le titre du message, c'est comment traiter avec ta mère. Comment traiter avec ta mère. Comme on a vu dans le sketch, il y a des enfants vraiment, vraiment, vraiment terribles. Tryphose et Tryphène. Non, mais vraiment. De parler à sa mère comme ça. de regarder sa mère comme la bonne, si tu veux. Celle qui est là pour faire tout ce dont nous avons besoin. Et beaucoup d'entre nous, nous avons grandi comme ça, sans vraiment reconnaître la position ou la personne qui est notre mère. Alléluia. Et à cause de cela, nous avons certaines situations qui nous arrivent et on ne comprend pas. Il y a une manière, selon la parole de Dieu, de traiter avec sa mère, avec ses parents. Amen. Être mère n'est pas seulement mettre au monde. Après avoir eu des rapports sexuels, 9 mois plus tard, tu mets au monde, tu es maintenant maman. Tu es juste une femme qui a mis au monde. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas mis au monde qui sont des vraies mères. Alléluia. Une mère, c'est quelqu'un qui investit dans la vie de quelqu'un d'autre pour former cette personne. Pour que la personne devienne ce qu'elle doit être. Amen. Les sacrifices, les nuits blanches. Dans il paraît qu'il y a un petit sketch qui passe sur l'internet avec ce même thème. Et il faut voir le visage des personnes qui viennent pour l'interview. Incrédulité. Ils ne croient pas à leurs oreilles. Quoi? Travailler, faire tout ça sans être payé? Et au moment où le monsieur leur dit que c'est la position existe déjà, il y a beaucoup qui font le travail, ils disent, ah bon? Qui c'est? Il dit, votre mère. Le visage de ces personnes change. Il dit, ah, c'est comme si une lumière s'est allumée dans leur tête. Et waouh, c'est vrai. En plus. Et il y a et après ils demandent qu'ils saluent leur mère ou ils disent quelque chose et il y a une femme qui commence à pleurer. Parce qu'elle se rend compte que la position d'une mère n'est pas évidente. C'est pas facile et c'est pas quelque chose à négliger. Amen. Donc, comment traiter avec ta mère? Hallelujah. Amen. Point numéro 1. Ne néglige pas l'instruction de ta mère. Proverbe 1, verset 8 et 9. Ne néglige pas l'instruction de ta mère. Amen. Ne rejette pas, ok? Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Bien, une autre version dit, mon fils, sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et ne néglige pas l'instruction de ta mère. Car, verset 9, elles seront comme une belle couronne sur la tête et comme des colliers à ton cou. Louis II dit, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Alléluia. Go back to verse 8. Ne rejette pas. Ne néglige pas. Amen. Ne rejette pas. Ne néglige pas. Si ta mère donne une instruction, et tu ne comprends pas l'instruction, ne rejette pas carrément l'instruction. Amen. La raison pour laquelle nous rejetons l'instruction, c'est parce que souvent on croit qu'on connaît mieux. Ce qu'elle dit n'a pas de sens. Elle n'a pas vraiment réfléchi avant de parler. Elle nous demande n'importe quoi. Amen. La Bible dit, ça c'est la Bible du semeur. Sois attentif à l'éducation que tu reçois de ton père et néglige pas l'instruction de ta mère. Amen. Tu enseignes tes enfants, pas seulement par ce que tu dis, mais aussi par ce que tu fais. Même si ce que maman fait est négatif, tu peux apprendre. Il ne faut pas rejeter. Il faut accepter et regarder et il faut décider de recevoir une instruction. Maman a eu 5 enfants par 5 différents hommes. Quand elle te donne une instruction, ne rejette pas, parce qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Moi, je vais épouser un homme chrétien, elle dit non. Qu'est-ce qu'elle sait? Qu'est-ce qu'elle connaît? Elle ne sait rien, elle ne connaît rien. Ne rejette pas, ne néglige pas. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une leçon à tirer de ce que maman dit et de ce que maman fait. Amen. L'instruction, c'est que il faut que je fasse attention à ma vie, de ne pas aller à gauche, à droite, sinon je risque aussi de finir comme elle. Peut-être une... Il faut bien écouter ce que je dis. Peut-être tu ne respectes pas ce qu'elle a fait, mais la personne ne change pas. Elle est toujours ta mère. Amen. Différencie ce qu'elle a fait de ce qu'elle est et ne rejette pas ses instructions. Amen. Tu peux tirer toujours des leçons de maman. Amen. Nous, quand on grandissait, nos mamans nous enseignaient comment préparer. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui. Quand elle est à la cuisine et toi tu es dans la chambre, attends quelques coups de ta loge. Comme une fois, ma mère m'a demandé d'aller à la cuisine faire quelque chose. Et je traînais parce que je suivais une émission. Je voulais finir. Avant que je ne me rende compte de ce qui se passe, j'ai reçu des coups avec ses chaussures. J'étais choquée. C'est la première fois et la dernière fois qu'elle m'a tapé avec les chaussures. J'ai dit, aujourd'hui là c'est grave. Je n'avais pas compris. J'étais tellement fâchée, énervée. Comment elle peut me taper avec des chaussures? C'est comment? Elle a fini avec ses mains ou quoi? Elle a fini avec la canne ou quoi? Maintenant, on est passé à la chaussure. C'est quand je grandissais. C'est là où j'ai compris sa frustration. C'est pas qu'elle voulait me taper avec les chaussures. Et je pense qu'elle n'a pas vraiment planifier ça ou elle n'était pas fière de ce qu'elle a fait. Mais la frustration de traiter avec une fille qui ne veut pas obéir, qui ne veut pas écouter les instructions. Parfois, nous poussons nos parents à agir d'une manière dont nous-mêmes, nous allons rejeter après. I don't know how to say the French. Amen. Si maman parle d'une certaine manière, demande-toi si ce n'est pas toi qui a provoqué les paroles qui sont sorties de sa bouche. Maman t'a appelé à la cuisine, pas pour t'embêter, pour déranger ta vie. Elle n'aime pas l'émission, donc elle veut me frustrer. Ce n'est pas la raison pour laquelle elle t'appelle à la cuisine. Ce n'est pas pour te frustrer. C'est pour t'enseigner à couper les tomates, les oignons. Quand tu vas à la cuisine préparer pour ton mari, tu vas dire, tu prépares et puis tu as oublié le sel carrément. Quand tu dis, le sel. Tu te demandes pourquoi ça n'a pas le même goût que quand maman fait. C'est parce que quand elle t'appelait, tu as refusé de venir. Amen. Tu as négligé. Qu'est-ce qu'elle connaît? Ah, maman, j'ai fait mes devoirs. Oh! J'ai des examens. Oh! see someone CD. Whose money is that? Et si je ne réussis pas à l'examen, tu c'est toi qui vas me critiquer. Quand je veux apprendre, tu me demandes de venir à la cuisine. Ne néglige pas et ne rejette pas les instructions de ta mère. Amen. Alléluia. Quand elle t'appelle, mets de côté ce que tu es en train de faire et va. À force de regarder, de voir qu'elle commence par coupe les oignons, elle met ça dans l'huile, elle frit un peu. Nous, au Ghana, on frit beaucoup. Tu peux aussi tirer des leçons. Tu dis, ah, moi, quand je vais grandir, je ne vais pas mettre autant d'huile. C'est une leçon. Même connaître des quantités, c'est un problème. C'est un problème parce que tu n'as pas suivi. Tu ne sais pas que le sel, la quantité du sel, c'est pas scientifique. Quand tu prépares, tu dois goûter un peu. Ce sont les blancs qui font des recettes, ils disent une pincée de sel. Ils ne savent pas qu'en Afrique, si tu achètes ce paquet de sel, une quantité n'a pas le même goût que l'autre quantité. Tu vas dire, ah non, la dernière fois, j'ai fait une cuillère. Donc, je vais faire une cuillère ici. You'll be surprised. Mais tu ne sais pas qu'il faut goûter quand tu prépares. Parce que tu n'as pas été là quand maman préparait et elle goûtait. Un peu plus de sel. Tu ne savais pas. Le riz, quand tu prépares le riz. La pâte. Tu dis, non, moi, c'est... How do you say rice cooker? You say rice cooker in French. You don't know rice cooker? The electric one, you put the... Marmite électrique. Hey, but you have rice cookers. Hey, wait, something is different. You went to change. Hey, I said, ah, no, il y a quelque chose qui est there. I said, no. C'est ça. Hey, la structure. It's a message. Hein? Toi, tu sais que tu vas acheter, même si tu n'as rien dans ta cuisine, au moins rice cooker, tu vas avoir. Parce que si on te demande de préparer le riz avec une marmite, tu regardes le riz, tu dis, hé, Seigneur, est-ce que je pèse le riz ou je pèse l'eau? Ou est-ce que je compte les graines ou est-ce que je compte les gouttes d'eau? Parce que tu n'étais pas là quand maman t'a appelé à la cuisine. Yeah. Yeah, c'est facile. Préparer le riz, ça doit être facile. Tu mets de l'eau. Tu mets. Tu regardes. L'eau ne finit jamais. Mais le riz, là, on dirait que la qualité de riz n'est pas bonne. C'est pas la qualité, c'est toi. Et à la fin, tu vas dire, on va manger le riz au lait. Tu vas changer le riz que tu préparais pour le dîner. Tu vas mettre ça au frigo. Tu dis, demain, on va manger ça pour le petit déjeuner. La surprise du jour. Hey, c'est ça. Quand maman t'appelle à la cuisine, il faut partir. Tu ne sais pas quelle leçon que tu vas recevoir. Amen. Yeah. Amen. Même les garçons, beaucoup d'entre vous. Vous pouvez apprendre aussi à préparer. Comme ça, quand votre femme essaie de vous bluffer un jour, tu vas dire, repose-toi, moi je vais manger. Tu ne seras pas sans défense dans la cuisine. Quand elle est dans ses humeurs, elle va dire, aujourd'hui, je ne vais pas préparer. Il n'y a pas de problème. Reste là où tu es. Tu prépares. Tu mets la table. Tu te mets derrière. Et puis, tu regardes la télé en mangeant. Oui, tu ne seras pas otage, otage, pris en otage. Amen. Ne néglige pas, ne rejette pas les instructions. Ta mère. Amen. Elle sera, next verse, une couronne de grâce. Wow. Une couronne, déjà, c'est beau. When somebody sees you with a crown, c'est wow. Mais tu es couronné de grâce. Grâce, la grâce, c'est le faveur que tu ne mérites pas, que Dieu te donne. Quand tu vas quelque part, des portes s'ouvrent et tu ne sais pas pourquoi. Quand tu vas quelque part, les gens disent oui et tu ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est parce que tu as simplement obéi aux instructions. Tu n'as pas rejeté. Amen. Peut-être la différence entre toi et ton voisin, c'est ce que tu as fait quand tu étais petite. Tu n'as pas rejeté l'instruction. Dieu, pourquoi pour toi ça marche toujours? Je ne sais pas. C'est une grâce. Et la grâce, ça vient comment? La Bible dit, ne rejette pas l'instruction de ta mère. Amen. Alléluia. Nos mères, at least in Ghana, les mamans qu'on avait et les mamans d'aujourd'hui, générations différentes, nos mamans avaient de la patience. Elles supportaient beaucoup. Aujourd'hui, une mère, quand elle voit certains comportements et certaines manifestations de chez son mari, elle le regarde d'en haut, d'en bas. Ok. Moi, je ne tolère pas n'importe quoi. Tu sais où tu m'as trouvé, non? Je pars. Elle ne reste pas pour accepter et supporter tes bêtises. Non, moi je suis... Hein? Elle dit ou pas? De mauvais rêves. Non. Une femme moderne n'accepte pas le n'importe quoi que nos pères faisaient à nos mères. Moi je me souviens, il y avait un arbre dans la maison où je grandissais, où j'ai grandi. Un arbre, grand arbre comme ça. I think it's a cashew, something like this. Mais c'était grand. Il y avait beaucoup d'ombre. We used to call it shade tree. That was what we called it. Et je me souviens très bien, on était à la maison. Mon père arrive souvent un samedi, quand il est parti boire avec ses amis. Hein? Ils reviennent à la maison. Il vient avec ses amis. Et ils gardent leur voiture dehors, tout le monde en direction du jardin, sous l'arbre. Nous, les enfants, on devait aller chercher les chaises pour mettre sous l'arbre. Et puis, maman, immédiatement, elle est à la cuisine, en train de rôtir le poulet, faire le... I used to say, I don't understand. Je ne comprenais pas. Comment ça se fait que toi, tu es en train de te jouir avec tes amis et c'est maman qui a du travail. Et par conséquent, c'est nous qui avons du travail pour que toi, tu t'amuses sous l'arbre avec tes amis. Je ne comprenais pas, maman. Je demandais toujours, est-ce que tu savais qu'il venait? Non? Dis, ah, donc si tu n'avais pas le poulet à la maison... Et si tu n'avais pas le riz à la maison? Et si tu... Elle dit, mais je l'avais. Mais je l'ai. Je l'ai. Elle prépare. Je n'ai jamais entendu ma mère dire, ah, oh, cet homme fatigue. Ah, ça veut dire quoi? Ou bien qu'elle se ferme dans la chambre pour dire, il n'a qu'à se débrouiller. Il n'a qu'à se débrouiller lui-même. Il ne m'a pas prévenu. Il ne m'a pas averti. Il pense que je suis une esclave ou quoi? Non. Toujours à la cuisine. Si après ils se disputaient dans la chambre, moi je ne sais pas. Mais tout ce que je savais, c'est que quand papa venait avec ses amis, elle entrait à la cuisine, elle préparait. Moi, je boudais Je serrais le visage. J'étais pas contente et ça se voyait. Mais j'ai tiré une leçon d'elle. Amen. J'ai tiré une leçon. Il faut honorer son mari malgré la bêtise, malgré tout ce qu'il peut faire. Amen. Alléluia. Une leçon que j'ai tirée. Amen. Mais aujourd'hui, la femme, elle, quand elle ne supporte pas, elle s'en va. Quand elle n'est pas d'accord, elle s'en va. Amen. Ça ne veut pas dire que tu es plus moderne. Ça veut dire que tu es moins soumise. C'est tout. Amen. Et notre standard n'est pas le standard du monde. C'est la parole de Dieu. La parole dit ne rejette pas les instructions. Ça peut être ce qu'elle dit. Ça peut être ce qu'elle fait. Alléluia. Wow. Proverbe 6, 20. Amen. Et certains d'entre nous, nous sommes dans la position où nous sommes parce qu'on a négligé les instructions. On a rejeté les instructions. Amen. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Amen. Ne rejette pas. Si Dieu l'a mis dans la parole, ça veut dire que nous avons, les enfants ont tendance à rejeter ce que les mères disent. Amen. On a tendance à rejeter. Parce que, maman, on voit. Maman, c'est celle qui obéit à papa. C'est celle qui obéit. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants ont peur de leur père, ils n'ont pas peur de leur mère. Surtout les garçons. Ils n'ont pas peur. Oh, si, qu'est-ce qu'elle peut faire? Même si quand elle tape, c'est pas fort. Ça fait pas mal. Alléluia. Verset 21. Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Amen. Attache-les à ton cou. Lis-les. Ça veut dire que tu ne dois pas te séparer des instructions ou des enseignements de ta mère. Amen. Tu ne dois pas te séparer. Ils sont attachés à ta personne. Partout où tu iras, tu vas te rappeler les instructions de ta mère. Oui, maman me disait toujours, quand je m'assois, il faut garder les jambes fermées. Ça peut avoir l'air banal, mais c'est très important. Tu ne sais pas quand un jour tu seras sur les stades. Tu t'assois. Quand maman t'appelait pour venir, elle dit, quand tu vas te laver, lave-toi correctement. Lave-toi. Oh! Oh, cette dame, qu'est-ce qu'elle veut? Oh! Elle t'apprenait quelque chose qui va te servir pour l'avenir. Quand tu vas laver tes sous-vêtements, lave comme ça, lave comme ça, lave ça encore, c'est pas propre. Oh! Oh! Oh, mais c'est pas tes sous-vêtements, ce sont les miens. Voilà pourquoi quand tu passes comme ça, tout le monde doit reculer un peu. Parce que tu as rejeté les instructions de ta mère. What a shock. Yeah, les garçons aussi. Regarde, Tryphos. Il dit, c'est Tryphène qui doit laver ses vêtements. Why? Why should Tryphène lave les vêtements de Tryphos? J'ai eu le choc de ma vie. Quand j'ai appris qu'il y a des filles qui lavent les vêtements de leur petite amie. Ici, ici. You are here. You are here. You are here. Tu laves les vêtements de ton petit ami. Dieu, les dit pasteur, c'est parce que je l'aime. My friend, don't let me get angry. Il faut pas me provoquer. C'est bon, c'est pas bon. Non. Moi, je n'accepte pas que tu viennes en preaching. Je n'accepte pas, que tu viennes ici au Ghana. Tu es venu pour apprendre, n'est-ce pas? Personne n'est venu pour se marier. Et je dis ça tout le temps. Vous dites oui, maman, mais vous ne m'écoutez pas! Vous êtes venu pour les études. Mais je vous vois, parfois je vous croise à ShopRite. Boy and girl, en train de faire les courses. Et je me demande, mais ces courses-là, c'est pour quelle maison? C'est pour la tienne ou c'est pour le sien? Il te donne de l'argent pour aller au marché pour lui. Maintenant là que vous n'êtes pas marié. Non. Wait. Chouche. Faut pas me dire c'est parce que je suis une bonne femme. Faut pas me dire ça. Si tu sais aller au marché, c'est bien. C'est une bonne chose. Mais pourquoi lui, il doit te donner de l'argent, pour que toi, tu ailles au marché acheter pour lui? Il faut lui dire, viens, je vais te montrer où je fais mes achats. Viens. Je prends le trottoir ici. Ça coûte 20 pesos. Maintenant, je descends ici. Tu vois la dame là, elle est très gentille. Quand tu vas préparer pour une semaine, n'est-ce pas, pour la semaine. Va payer seulement 1 CD tomatoes. Ok? Tu lui montres. Et puis tu le laisses. Et tu vas chez toi. Yes. Tu le laisses. S'il a besoin d'aide, ça c'est l'aide que tu peux porter. From today. Hein? Et puis vous les garçons aussi, vous avez cette mauvaise habitude de what's the word? Faire chanter les filles. Si elle ne fait pas, c'est fini. Moi, j'ai deux filles. Si ma fille en Ukraine me dit un jour que quelqu'un lui donne de l'argent pour aller faire les achats pour lui, je vais come back on the next plane. C'est pas la raison pour laquelle je l'ai envoyé faire les études. Souvent, quand je chatte avec eux, les amis, les garçons disent « Mamie, il faut dire à Annie qu'elle ne prépare pas pour nous. » J'ai dit « Pardon, je ne l'ai pas envoyée en Ukraine pour préparer pour vous. »« Oh, mamie !» I said « Yes !» Mais après, quand ils partent, je dis à Annie « Annie, toi aussi, il faut préparer. » Je dis, nique toi aussi, de temps en temps, sois gentil, prépare, invite-les. Ah non, mamie, si je commence, ils vont s'habituer. J'ai dit, ok. Ok. Elle a appris quelque chose. Amen. Amen. Yeah. Pourquoi tu dois laver les vêtements de ton petit ami? Why? Pour montrer que tu es une bonne femme. S'il ne te croit pas, tant pis pour lui. Yeah. Tu peux préparer et l'inviter. Il n'y a pas de problème. C'est bien de préparer pour qu'il sache que tu sais préparer. Il ne va pas épouser quelqu'un qui ne sait pas préparer. Mais ce que je ne veux pas, c'est qu'il te donne de l'argent pour que toi, tu ailles au marché préparé pour lui, comme si tu étais sa femme. Non. Si un jour il ne peut pas aller au marché et il dit, oh, quand tu vas faire tes courses, est-ce que tu peux me payer des tomates? Why not? Why not? Quand tu vas partir, est-ce que tu peux chercher des oignons pour moi? Moi, quand j'achète, je ne sais pas, jamais, je n'achète jamais les bonnes. Il n'y a pas de problème. But he is not to send you. There's a difference. There's a difference. Yeah. Olivier. Amen. Yeah, c'est une mauvaise habitude que vous avez appris, je ne sais pas où. Tu n'as même pas payé la dot et tu commences comme ça. Quand tu vas payer, what will you do? Don't change my message for me, please. Dis à ton voisin, il ne faut pas changer son message pour elle. Proverbe 23, 22. Oh, did I finish? No, go to the next one. Lis-les constamment. Donc, lis les instructions. 22. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Amen. Tu ne seras pas toujours avec maman à côté. Tu ne seras... Vous êtes ici, vos parents sont loin. Ils sont loin. Je bénis Dieu pour FaceTime et Viber et tout le reste. Et je peux communiquer avec ma fille. Mais je ne suis pas avec elle. Quand elle éteint le portable, je ne sais pas ce qu'elle fait là-bas. Je prie le Seigneur que mes instructions que j'ai données, elle va garder. Amen. Elle ne va pas les oublier. Elle ne va pas les négliger. Ils te dirigeront dans ta marche. Amen. Les instructions que tu as reçues lorsque tu étais petite, j'espère que ce sont les instructions qui te gardent. Quand tu négliges les instructions, quand tu vas grandir, tu ne sauras pas quoi faire. Tu ne sauras pas comment te comporter. Comment prendre une bonne décision? C'est une bataille que j'ai toujours avec ma fille. J'ai dit, quand tu fais quelque chose maintenant et tu n'acceptes pas que je te corrige maintenant, lorsque je suis avec toi, quand je ne serai pas avec toi, comment est-ce que tu sauras la différence entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon? Il faut accepter mes instructions. Il faut accepter quand je te dis non. Elle a tendance à vouloir toujours raisonner avec moi. Maman, je veux faire ça. Non, tu ne veux pas. Mais maman. Why are you like that? Quand est-ce qu'un jour, je vais dire non et tu vas dire, ok maman. Oui maman, mais... Elle veut toujours s'expliquer. Donc, tout le monde dans la famille, on dit, toi, tu seras avocat. Elle a toujours une explication, une raison, une something. Amen. Mais je prie le Seigneur que quand même, elle va recevoir les instructions. Je vais insister. Je vais parler. Je vais continuer et persévérer à instruire ma fille. Pourquoi? Parce que je prie, quand elle va grandir, mes instructions, les instructions que je lui ai données vont la diriger sur sa marche. Parce que ce n'est pas facile. Amen. Ce n'est pas facile. Comment est-ce que tu sauras que tu ne dois pas... Le garçon, il t'a tourné un peu la tête, il dit, écoute, tu dépenses l'argent pour le loyer. Moi aussi je dépense, pourquoi ne pas? Hein? On va partager, on va économiser. On va économiser, on va se marier. Que les instructions de ta mère reviennent à ton esprit. Dis, maman m'a prévenu. S'il n'y a pas de bague sur mon doigt, je ne pourrai pas aller vivre chez toi. Je ne peux pas et je ne vais pas. Les instructions va diriger. Amen. Are you listening to me? Huh. ils te garderont sur ta couche, pas sur la couche de ton copain. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Serre-le, attache-le. Amen. Même si tu n'as pas besoin de cette instruction maintenant, tu dis, oh, moi je n'ai pas de copain, je ne sais pas de quoi elle parle. Garde-le, attache-le. Parce que tu ne sais pas si demain, Johnny Watarachi viendra. Amen. Yeah. Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas en concubinage, pas parce que vous êtes saint, ou vous êtes sainte, ou parce que vous êtes spirituel. C'est seulement la personne qui va te convaincre n'est pas encore arrivée. La personne qui va te tourner la tête là, il n'est pas encore arrivé. C'est la seule raison pour laquelle tu n'es pas en concubinage. Mais si Johnny arrive le jour où M. Watarachi arrive, hein? C'est toi qui vas demander, Johnny, je viens quand? Les instructions de ta mère. Si tu es un garçon, ta mère dit, attends, fais attention aux filles. Oh. Pourquoi est-ce que maman dit ça? Elle est fille. Parce qu'elle sait. Elle connaît les stratégies et les manœuvres d'une femme. Quand une femme veut, elle sait comment. Elle sait comment. Yeah. Et aujourd'hui dans l'église, on vous dit, ah, si tu veux être une femme, sois une femme spirituelle, tu vas avoir un homme spirituel. Donc, on sait quel chapeau mettre dans quelle situation. On se transforme selon le chameleon. Yeah. On se transforme. Les instructions. Amen. Et la raison pour laquelle on rejette souvent, c'est parce qu'on croit que nous sommes plus intelligents. Yeah. Next one, Proverbe 23, 22. I'm almost through. Hey, my time has gone. Why? Proverbe 23, 22. Écoute ton père, lui qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Ah, la vieille. Ah, la vieille. Même le nom que tu as donné à ta mère, ça manque le respect. Un manque de... Oh, le vieux. Le vieux père. Et la vieille. La vieille est là. Est-ce que je peux aller je veux parler avec la vieille? La vieille. Écoute ton père qui t'a engendré. Pas ton père qui t'a payé les frais scolaires, mais celui qui t'a engendré. Juste le fait qu'il t'a engendré, il faut l'écouter. Il mérite d'être écouté. Yeah. Écoute ton père qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta mère. Tu méprises pourquoi? Parce que tu te crois meilleur. Regarde là. Regarde là. Elle s'est laissée aller comme ça. Elle s'est laissée parler. On lui parle n'importe quoi, elle ne dit rien. Eh, il ne faut pas la mépriser. Tu n'as jamais porté ses chaussures. Tu n'as jamais eu à prendre les décisions qu'elle a dû prendre. Tu n'as pas vécu ce qu'elle a vécu. Lady Pastor nous racontait au culte l'exemple d'un jeune homme qui est maintenant pasteur. Sa mère était prostituée. Et il a grandi avec elle à la maison. Et il a vu souvent quand les hommes venaient. Quand les hommes venaient coucher avec sa mère. Et puis après, parfois, ils jetaient l'argent comme ça par terre. Et puis elle ramassait l'argent. Il a vu tout ça, il a gardé. Donc, quand il a grandi un peu, elle essayait de lui parler. Il manquait de respect. Et un jour, elle a craqué. Elle a dit, je n'étais pas allée, je ne suis pas allée à l'école. Je n'ai pas de formation, je n'ai pas d'éducation. Je n'étais pas mariée. Comment est-ce que je pouvais prendre soin de toi? Comment est-ce que je pouvais t'envoyer à l'école? C'est la seule chose que j'ai pu faire pour prendre soin de toi. C'est là où il a compris que non, tout ce qu'elle faisait, c'était pour lui. Et il a su comment honorer sa mère. Tu n'as jamais eu à porter ses chaussures. Tu n'as jamais eu à prendre les décisions qu'elle a dû prendre. Et tu as eu à l'âge de 14 ans. Donc tu l'as méprise. Oh, mais elle aussi, elle a commencé tôt, hein. Elle a commencé tôt, hein. Hey, brother. Shh. Amen. Ne la méprise pas. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne connais pas les circonstances. Tu ne sais pas. Yeah. Oui, c'est vrai. Vous êtes sept. Avoir sept pères différentes, c'est ok. Faut pas la mépriser. Faut pas la mépriser. Amen. Parce que si c'était toi, tu auras des jumeaux avec deux hommes différents. Si tu étais dans sa position. Amen. Mets-toi à sa place. Amen. Il y a des gens qui ont honte de leurs parents. Quelqu'un demande, mais c'est qui? Oh non, non, ça c'est la tante qui vient vivre, elle vient nous aider de temps en temps à la maison. Non, c'est ta mère. C'est ta mère. Et le pasteur nous racontait l'histoire d'un jeune homme qui a grandi dans leur maison. C'était l'enfant du jardinier. Mais il était très intelligent. Donc ses parents, à elle, ont décidé de garder le petit chez eux pour qu'il puisse aller à l'école, une meilleure école. Et quand il rentrait à la maison avec ses copains et le jardinier ouvrait la porte, il demandait, c'est qui? Il dit, Kwaku, tu sais? Et puis les amis disent, ah mais ça c'est qui? Il dit, oh non, c'est le jardinier. C'est ce qu'il disait. Le jour où maintenant il est arrivé à vivre dans une meilleure maison, aller à une meilleure école, il a honte maintenant de son père. Écoute ton père qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille, quand elle a l'air faible. Quand elle a l'air incapable, elle se tapait quand elle était plus jeune. Maintenant qu'elle n'a plus la force, tu la méprises. Non, c'est une erreur. Amen. C'est une erreur. Proverbe 30, je vais vite finir. Verset 17. Proverbe 7, 30, verset 17. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront, et les petits de l'aigle le mangeront. Amen. Mangeront quoi? L'œil. L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers humain. Dieu trouve très sérieux ou très grave le fait que nous n'écoutons pas nos pères, nos mères, et nous n'obéissons pas à nos parents. C'est quelque chose de très très mal vu par Dieu lui-même. Amen. Nous qui avons l'habitude de mal parler au père, aux mères, de mépriser, de dédaigner, de rejeter, d'être impoli, manquer le respect, de ne pas donner la considération envers nos parents. Amen. Certains ont même jusqu'à maudire les parents. Proverbe 20, 20. Proverbe 20, 20. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Quand il y a light off là, la seule bougie que tu as, parce que tu as maudit tes parents. Yeah. Dis, sa lampe s'éteindra, pas n'importe où, mais au milieu des ténèbres. Au milieu de tes difficultés, la seule solution que tu as va s'évaporer comme ça. Pourquoi? Parce que tu as maudit tes parents. Tu as insulté. Tu as dit un mot. Tu as dit quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Amen. Beaucoup d'entre nous auront des problèmes dans la vie si on ne se retourne pas à aller présenter nos excuses à nos parents. Allez demander pardon. Un jour, tu seras père. Ce que tu auras semé, tu vas récolter. La Bible dit que celui qui sème le vent va récolter la tempête. Amen. Une fois, j'ai dit à ma fille, j'espère que tu auras une fille juste comme toi. Oh, mamie! Mamie, are you cursing me? I said, oh! Oh, why? Aren't you a wonderful child? Tu es une enfant merveilleuse. Je prie le Seigneur que tu auras une fille juste comme toi. Est-ce que c'est une malédiction? Pourquoi? C'est Amen. Et toi aussi, je prie le Seigneur que tu auras une fille juste comme toi. Quelqu'un fait ton fille à quoi? Je prie le Seigneur que tu auras un garçon juste comme toi, pas multiple. Amen. Yeah. Yeah. Pour terminer, Éphésiens 6, verset 2. Honore ton père. Let's read it together. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Go to the next one. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Qui veut être heureux? Qui veut vivre longtemps? Voilà la solution. Go back to verse 2. Verse 2. Honore ton père et ta mère. Pas ta mère seulement, parce que ton père n'a pas grandi, tu n'as pas grandi avec ton père. Pas ta mère, ton père seulement, parce que ta mère, tu ne sais pas où elle est. Mais honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec promesse. Alléluia. Afin que tu vives longtemps. Et pas seulement vivre, pas seulement exister, mais vivre. Amen. Alléluia. Et que tu sois next. Oh, my dear, follow me now. Tu sois heureux et que tu vives longtemps. Amen. Beaucoup de personnes sont dans la galère aujourd'hui, dans certaines conditions aujourd'hui, seulement parce qu'ils n'ont pas honoré les pères. Seulement parce qu'ils n'ont pas respecté les instructions des parents. Seulement parce qu'ils ont maudit les parents. Seulement parce qu'ils ont négligé les parents parce qu'ils sont vieux. Aujourd'hui, c'est votre opportunité. Si vous n'avez pas une bonne relation avec vos parents, c'est une opportunité pour vous de faire cet appel que tu devais faire depuis. D'appeler et dire, « Maman, pardonne-moi. Je t'ai manqué le respect. Je ne t'ai pas parlé correctement. J'ai négligé tes instructions. Je ne t'ai pas obéi. Mais je reconnais que tu as fait beaucoup de choses pour moi. Je veux que tu me pardonnes. » Il faut demander pardon et attendre une réponse. Amen. La Bible dit que si c'est possible, autant que c'est possible, sois en paix avec tout le monde. Amen. Ce n'est pas ta place de quereller avec tes parents. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Même si tu as 40 ans, tu es toujours l'enfant. Amen. Ma mère me appelait toujours Benjamin, the last born. Même à mon âge. Ah, this is my baby. This is my baby. I said, oh my goodness. Même mes frères, le frère qui a seulement 2 ans de plus que moi, il dit, ah, my baby sister, my baby. Tu vas rester toujours l'enfant. Amen. Humilie-toi et fais ce qui est bon aux yeux de Dieu et tu seras béni. Amen. Lève-toi. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Amen. Prenez un moment de prier pour ta mère. Priez pour les femmes qui sont des mères pour toi. Priez pour que Dieu puisse rétablir la relation qui a été détruite au long des années. Prie le Seigneur pour une porte ouverte pour pouvoir retisser les liens entre toi et tes parents. Prie. Seigneur, merci. Merci pour ce message. Merci, Seigneur, pour ton grand amour envers nous. Merci de nous rappeler toujours ta parole et les préceptes de ta parole. Merci, Seigneur, pour nous rappeler que nous ne sommes pas guidés par les principes du monde, mais par tes préceptes et tes principes. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que nous avons passés dans ta maison, devant ta parole. Seigneur, donne-nous la grâce de pouvoir nous humilier et de se retourner, Seigneur, chez nos parents pour pouvoir demander pardon, pour faire cet appel, Seigneur, ce coup de fil qu'il faut faire pour rétablir les liens. Seigneur, merci. Merci pour ton enseignement. Merci pour ta délivrance. Guéris nos cœurs, Seigneur. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont offensés. Aide-nous à pardonner ceux qui nous ont fait du mal, Seigneur, en grandissant. Seigneur, ceux qui devaient servir de parents nous ont abusés, nous ont fait du mal. Mais donne-nous, Seigneur, la grâce de les pardonner, afin que nous puissions vivre une vie heureuse et que nous puissions vivre longtemps sur cette terre. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour la guérison des cœurs, des âmes, Seigneur, des émotions. Touche, Seigneur, nos vies par ton amour, ton grand amour, afin que nous puissions aussi aimer nos parents. Merci pour ces moments, merci pour ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux prier pour toi aujourd'hui, si tu n'es pas né de nouveau. Si tu n'as pas de relation avec celui qui est notre Père, notre Dieu céleste. Aujourd'hui, tu veux dire, Père céleste, pardonne mes péchés. Pardonne-moi parce que je suis loin de toi. Pardonne-moi parce que je ne te connais pas personnellement. Aujourd'hui, je veux commencer une nouvelle relation avec toi. Je veux recommencer ma vie à zéro, Seigneur. Fais-moi cette grâce de marcher avec toi, de te connaître pour moi-même. Si je meurs aujourd'hui, je ne sais pas si je vais passer l'éternité avec toi ou en enfer. Mais Seigneur, aujourd'hui, je veux prendre cette décision de te donner le contrôle de ma vie. Aide-moi à prendre les bonnes décisions pour ma vie. Aide-moi à t'obéir. Aide-moi à être un enfant en qui tu auras plaisir. Seigneur, je veux marcher avec toi. Je veux te donner le contrôle de ma vie. Si tu es là comme ça, tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui, lève la main. Je veux prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ. Merci, je vois la main. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Si tu meurs, tu veux être assuré d'une place au ciel. Tu veux que ton nom soit écrit dans le livre de vie. N'aie pas honte aujourd'hui. Prends cette décision de donner ta vie à Jésus. Seigneur, pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. Si tu as levé la main, tu veux que je prie pour toi, viens devant, viens. Je veux prier pour toi. Ma sœur, merci, viens. Viens mon frère, viens. Que Dieu te bénisse. Tu veux donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu reconnais que tu n'as pas été un enfant sage. Aujourd'hui, tu veux donner ta vie à Dieu le Père pour qu'il prenne le contrôle. Alléluia. Oui, Seigneur, je m'abandonne à toi aujourd'hui. Je veux que tu prennes le contrôle de ma vie. Je veux que tout le monde ferme les yeux, que nous prions ensemble. Répétez après moi, s'il vous plaît, ceux qui sont devant et tout le monde. Dites, Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci de m'avoir parlé aujourd'hui. Je reconnais que je n'ai pas été un enfant sage. J'ai essayé de vivre ma vie comme il me plaisait. Mais aujourd'hui, je prends une décision de te donner le contrôle de ma vie. Prends le contrôle, Seigneur Jésus, de ma vie, de mon avenir. Seigneur, je place mon cœur entre tes mains. Seigneur, fais ce que tu voudras de ma vie. Je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai été désobéissante, toutes les fois où j'ai fait des choses à ma manière, où je n'étais pas été un enfant sage. Aujourd'hui, Seigneur, je te remercie de m'accepter, d'accepter ma demande de pardon. Fais de moi, Seigneur, un enfant sage. Satan, écoute-moi très bien. Je ne t'appartiens plus. Je ne te suivrai plus. Je ne t'obéirai plus. C'est fini entre toi et moi. Il n'y a pas de lien. Il n'y a plus de lien entre toi et moi. À partir d'aujourd'hui, j'appartiens à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci de m'avoir accepté. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. À partir d'aujourd'hui, je suis né de nouveau. Je suis enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus de m'avoir accepté, de m'avoir aimé. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer très fort? Alléluia.